65e leçon. La tour Eiffel. Gustave Eiffel est né en 1832 à Dijon. Il est devenu ingénieur très jeune. Il a toujours voulu construire quelque chose d'extraordinaire. Donc, il est venu à Paris en 1886 pour la grande exposition où son projet pour une tour a gagné le premier prix. La construction a commencé en 1887 et a duré 2 ans. La tour est construite en fer et mesure 320 mètres de haut. Il y a 3 étages et une antenne de télévision tout en haut. Heureusement, depuis 1965, l'ascenseur hydraulique a été remplacé par un ascenseur électrique. En 1923, un journaliste est descendu du 3e étage en bicyclette. La construction de la tour a coûté 6,5 millions de francs. Elle appartient maintenant à la ville de Paris et attire chaque année plus de 3 millions de visiteurs. Gustave Eiffel est mort en 1923. Exercice. Si on va au cinéma, je veux voir quelque chose de drôle. Sa tour a gagné le premier prix à l'exposition. La boîte fait 1 mètre de haut et 70 cm de large. Il a toujours voulu être ingénieur. Il y a une antenne de télévision tout en haut.